Vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Bonjour et bienvenue sur Vivacité, il est 11h. Place à l'actualité, accueillons Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les étudiants en médecine se rendent en ce moment même devant le cabinet de la ministre de la Santé, Maggie De Bloch. Ils organiseront un sit-in devant le cabinet dans une heure. Ils s'installeront là-bas. Ils espèrent aussi rencontrer la ministre pour évoquer leur situation à leurs yeux intenable. Ils ne savent toujours pas s'ils pourront exercer au bout de leurs 6 à 7 années d'études. En cause, les quotas de numéro INAMI, numéro indispensable pour devenir médecin. Maggie De Bloch, elle, a une rencontre prévue avec Jean-Claude Marcourt, le ministre de l'enseignement supérieur francophone, pour trouver une solution. Les deux ministres s'étaient mis d'accord sur un examen de sélection en fin de première année, mais il a été suspendu par le Conseil d'État la semaine dernière. Toujours de l'actualité politique, aujourd'hui, le gouvernement wallon se remet au travail. Les ministres se retrouvent ce matin à Namur. À l'étranger, en Turquie, au moins 3 personnes, a priori des policiers, ont été tuées. Et 120 autres personnes ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée à Elazig, un bastion conservateur et nationaliste turc à l'est du pays. L'attaque visait un commissariat de police. Les Belges aux Jeux de Rio, un match à ne pas manquer, c'est ce soir, celui des Red Lions en hockey. Ils jouent la finale face à l'Argentine à 22h. Ils sont donc assurés d'obtenir une médaille d'argent ou d'or, mais clairement, ils visent la première marche du podium. À suivre aussi, avant cela, cet après-midi, le décathlon et notre athlète Thomas van der Plaatsen pour la suite des épreuves. Aujourd'hui, il s'élancera pour le 110 mètres et le disque, le javelot, la perche et le 1500 mètres. Et il y aura aussi du taekwondo cet après-midi avec nos Belges. La météo, avec un ciel qui devient plus menaçant le long de la frontière française aujourd'hui. Ailleurs, il y aura des éclaircies qui vont se maintenir, mais dans l'après-midi, les nuages vont s'étendre partout et les températures, c'est presque comme hier, de 22 à 25 degrés. RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet, il y a un accident sur la N66. Exactement, c'est à hauteur d'Ouffet, la chaussée est fermée dans les deux sens, une déviation locale a été mise en place. Les derniers ralentissements pour accéder à Bruxelles sur le 411 venant de Namur entre Jésus-Seik et Léonard. On rappelle que dans le centre-ville de Bruxelles, le bois de la Cambre est fermé à la circulation. Il le restera jusqu'au 20 août suite à une compétition de cheval. C'est de gros embarras de circulation à la clé, donc c'est un secteur à éviter. Des travaux sur la nationale 4 Arlon-Namur à hauteur de Martelange dans les deux sens. Conséquence, le centre de Martelange est interdit au plus de 3,5 tonnes. Et puis, accident sur le 313 à Liège-Anvers à hauteur de Reims. Voie centrale et de droite indisponible vers Anvers. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances commence sur Vivacité avec vous, Stéphane Piedbeuf. Eh oui, et merci beaucoup Justine. On vous retrouve à midi? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Chez Cora, les petits prix ne sont jamais en vacances. Et surtout pas avant la rentrée. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'en vous levant ce matin, vous êtes dit « Waouh, ça va être une belle journée ?» Eh bien, si c'est le cas, c'est tant mieux, car on va passer un bon moment ensemble dans un air de vacances jusqu'à 13h avec des cadeaux fabuleux à vous offrir, des tubes en puissance, des tubes de l'été, même avec Lou Béga tout à l'heure. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all. Et puis, Denis Collard est installé actuellement au bar de la plage. Il va bientôt arriver dans le studio Vivacité pour la météo des plages et de vos vacances que vous pouvez encore lui demander. Attention, il reste aujourd'hui et demain parce qu'après on fermera la boutique puisque ce sera la rentrée sur Vivacité bien sûr, mais bon, ce sera ensoleillé aussi. N'hésitez pas à vous rendre sur vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances et puis contactez-nous pour nous envoyer la météo de vos vacances si vous faites partie de ces gens qui partent quand les autres sont déjà tout bronzés. Bienvenue dans un air de vacances, à commencer avec celui qui a représenté la France à l'Eurovision, c'est Amir avec J'ai cherché, et on va le trouver tout de suite. Un air de vacances sur Vivacité. You. sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la instant, notre tout premier tube de l'été, Vivacité avec Tarkan et la chanson du Simaric, la chanson du bisou. Mais tout de suite, on va vous offrir des cadeaux avant l'arrivée de Denis Collard aussi avec la météo des plages et de vos vacances. Ça vous dirait d'aller à Océade, une invitation familiale, s'il vous plaît, deux adultes, deux enfants, pour cette saison 2016. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous gagnez non seulement une invitation familiale à Océade, à deux pas de l'Atomium, mais vous savez qu'à côté, il y a Mini Europe. Eh bien, vous avez aussi dans ce pack deux invitations adultes et deux invitations enfants pour profiter de Mini Europe. Donc, soit vous faites les deux sur la même journée, ou alors vous allez tout d'abord à Mini Europe parce qu'il fait beau, et puis genre quand il pleut un petit peu ou que le ciel est un peu menaçant à l'image de ce qu'on va connaître aujourd'hui, vous allez là à Océade. Bon bah voilà, vous choisirez bien sûr, c'est un super cadeau hein, qu'on vous fait là. On va jouer avec un film, on va vous passer un extrait d'une seule seconde d'une bande originale de film, donc la musique d'un film. Et on vous demande de nous envoyer par SMS au 6003 pour 75 centimes le nom du film. Donc on vous demande pas le groupe ou le chanteur, non, le nom du film par SMS au 6003. Attention, une seconde, c'est très rapide et c'est très compliqué, mais ça s'adresse aux experts et vous en êtes. Écoutez. De quel film s'agit-il? Avez-vous la bonne réponse? Si oui, eh bien c'est 6003 pour partir en famille à Océade, histoire de prolonger les vacances. On va quand même réécouter une deuxième fois, hein. Quel est le titre de ce film? On l'attend avec impatience au 6003. Et on remercie Monique qui nous envoie déjà un petit SMS. Monique qui nous dit « Elle est vraiment tof ton émission, avec un tof animateur, de la tof musique, un tof été. » Voilà, on embrasse Monique et toutes celles et ceux qui nous envoient des mails et des messages. Vous êtes vraiment super sympa. Allez, à tout de suite avec le tube de l'été de Tarkan.

Ah, le Cap Vert et sa mer bien bleue et évidemment la douceur atlantique tout au long de l'année, avec des températures en moyenne 30 à 31 degrés ces jours-ci, alternance de nuages et d'éclaircies. Par contre, petit bémol, c'est pas fréquent, mais il y aura des averses qui sont prévues, surtout dimanche et puis un petit peu lundi. Ça n'empêchera pas les températures de rester comprises entre 29 et 30 degrés. Et puis, dès mardi, on repart avec des valeurs de 31 degrés et toujours ces nuages de beau temps qui bourgeonnent. Mais donc, petite parenthèse, dimanche et lundi, sinon, eh bien, il fera aussi très très beau sur le Cap Vert ces prochains jours. Merci de Nicolas, on vous retrouvera tout à l'heure. Et tout de suite, c'est la musique de DNCE sur Vivacité, Cake by the Ocean. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Sur Vivacité à 11h23, c'est le moment de sortir l'agenda. Prenez votre smartphone, application agenda, allez à la date du 26, le 26 août. Que faites-vous le 26 août? Eh bien, s'il n'y a rien dans votre agenda et que vous souhaitez passer un bon moment avec la personne de votre choix, on a une soirée exceptionnelle à vous proposer. Direction la Nuit des Cœurs, ça va se passer à Villers-la-Ville. Une magnifique abbaye, l'abbaye de Villers-la-Ville, un magnifique cadre. Vous allez découvrir entre autres plein d'artistes et parmi eux un certain Michel Fugain. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits. Michel Fugain et son chœur en acoustique, mais aussi Scala et les frères Colacny, ça c'est top. Et on a aussi le chœur d'homme d'Estonie et plein d'autres. Hein. C'est la nuit des chœurs, donc il y a plein de chœurs qui vont vous émerveiller, vous et la personne de votre choix. Alors pour être nos invités, vous envoyez FETE tout simplement au 6003 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. FETE, et puis c'est pas une blague, on va vous appeler juste après Toto avec Rosanna. We'll be right back. Rosanna, c'était Toto sur Vivacité. On a dit qu'on allait appeler le gagnant juste après Toto. Eh ben, on va le faire. On compose votre numéro de téléphone, vous qui avez envoyé Fête par SMS, histoire de vous inviter dans la Nuit des Cœurs. Deux places, ce sera Villers-la-Ville le 26 août. Et le cadre sera évidemment magnifique puisque c'est dans le cadre des ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville que vous vous trouverez pour applaudir notamment Michel Fugain. Ah, allô? Allô? Voilà. Je tape des mains déjà. Vous tapez des pour mains applaudir Michel, pour applaudir Michel Fugain. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Et quel est votre prénom? Alain. Alain, où êtes-vous Alain en ce moment? Je suis dans le Brabant Wallon. Dans le... Exactement à Rixensart. Voilà. À Rixensart. Et vous faites quoi? Vous êtes au boulot? Vous êtes en vacances, en congé? Je suis entre deux rendez-vous. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis indépendant et voilà. Je vais. Oui. Dans quel secteur? Divers. L'immobilier. Dans l'immobilier. Donc vous vendez des maisons et des appartements? Non. Je suis dans un secteur non marchand de l'immobilier. Je suis dans la technique immobilière, si vous voulez. Ah oui, enfin non, je vois pas, mais... Je vous expliquerai un jour. Oui, c'est ça. Bon, on va pas faire un débat sur l'immobilier, hein. c'est pas le but, hein. On est là pour se détendre. Non. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, vous allez vous détendre avec qui pour la Nuit des Cœurs à Villers-la-Ville? Ah bien, avec ma chère et tendre, voilà. Qui se prénomme? Qui veut faire la Brigitte. Brigitte, oui. Et à qui je vais faire la surprise, parce que c'est son anniversaire dans les prochains jours. Voilà. Wow, et je pense que vous allez marquer plein de points, là. Vous risquez de passer une très très bonne soirée ce jour-là. Je crois. Oh, ouais, mais alors vraiment, hein. Oui, oui, ah ouais, non, et la Nuit des Cœurs, et puis le H mais... de cœur va s'en aller à un moment donné. Hein, c'est... Non, bah, tiens. Bon, super. Bah, profitez-en bien, en amoureux alors, on vous envoie ça dans les prochains jours, et puis n'hésitez pas à nous dire comment c'était, ok? Et je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. À bientôt, Alain. Ce sera vraiment la fête, quoi. Ce sera la fête. Voilà, la fête. Et là, c'est Céline, encore un soir. C'est un peu moins la fête, mais c'est une belle chanson. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de. S'il est tard, j'ai jamais rien demandé. Ça, c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous. Au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent. Instant de grâce où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. Encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. L'hommage à René, chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Céline Dion était sur Vivacité avec Encore un soir. Et dans un instant, il y aura Rod Stewart et Baby Jane. Et c'est Lodec qui est avec nous par téléphone dans les People en vacances. Lodec, le dessinateur de bande dessinée, Cédric, c'est la série, scénarisée par Raoul Covin. Bonjour Lodec. Bonjour. Et vous êtes à Liège, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, ça va? Vous êtes remis du 15 août? Vous n'avez plus mal aux cheveux? Non, ça va bien. Merci. Bon, vous étiez en Outremeuse pour les festivités ou pas? Ben, j'ai fait un petit tour, oui. Ouais. Plutôt le dimanche, le petit péquet, la petite bouquette. Exactement. Ah bah voilà. Bon alors, comment ça va cet été? Est-ce que vous êtes parti en vacances ou pas? Ben, je suis parti quelques jours au mois de juin et maintenant je vais repartir dans quelques jours. Quand tout le gros des touristes seront rentrés, moi je partirai quelques jours. Et on peut savoir où? Dans le midi de la France. Bah, c'est une bonne idée, ça. Enfin, j'espère. Ben oui, bon, en même temps, aller dans le midi de la France, fin du mois d'août, début septembre, on prend pas trop de risques, hein, généralement. Non, non, en général, il fait assez bon. Tiens, vous êtes plutôt camping ou hôtel? Non, plutôt hôtel. Ouais. J'ai essayé, étant jeune, un peu le camping, mais ça n'a pas bien marché, donc j'ai abandonné. Qu'est-ce qui vous déconvenait? La tente. Mais en fait, ça s'est très mal passé à cause de la météo. Il pleuvait, puis il y a eu des problèmes. On avait oublié d'éteindre un feu. C'était un camping sauvage, en fait. Ah oui, ok. On a oublié d'éteindre un feu, et alors il a fallu passer la nuit à essayer de l'éteindre. Voilà. Mais c'était ici en Belgique. D'accord. Et je me suis dit à ce moment-là, bon, le camping, c'est pas pour moi. Oui, je peux comprendre. Piscine, mer ou montagne? Je suis assez éclectique à ce niveau-là. Ben, je fais plutôt la mer, mais je vais partir en plus quelques jours en Provence. Ben, c'est bien ça. La météo idéale de vos vacances, c'est ensoleillé, j'imagine. Vous avez une température particulière? Oui, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Ouais. Les températures de ces dernières années m'incommodent un peu. Surtout quand je dois travailler. Malgré la clim, ça me dérange un peu. Alors, quel est votre apéro préféré, votre cocktail favori de l'été? Le cocktail, ben, écoutez, je ne suis pas très, très apéritif, moi, en fait. Je suis plutôt vin à table, mais pas apéritif. Donc, en cocktail, etc., je n'y connais pas grand-chose. Une petite bière, non? Je ne suis pas amateur de bière, plutôt de vin. Ah oui. Des petits vins frais en été et de vin tout court quand il fait moins bon. Un rosé, un blanc, un rouge Plutôt le blanc. Le blanc. Quel est votre plat préféré? Ah, moi, ce sont les frites. Eh oui. Même en été? Pas. Ce sont les frites. Même en été? Allez, une bonne frite. Même en été, ce sont les frites. Ah oui. Eh oui. Bon, très bien. Avec mais naturellement pour garder la ligne, je ne peux pas manger trop. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt des salades été. Voilà. Ouais. C'est la petite frite alors, la petite portion. Hein. La petite. Une petite frite, un mexicanos, un cervelas, trois poulies croques. Exactement. Et un coca. Bon. Quelle est votre glace préférée? Est-ce que vous aimez la glace, la vanille, la fraise, le chocolat ou un autre parfum? C'est plutôt le chocolat, moi. D'accord. J'ai un petit faible pour le chocolat. En général, d'ailleurs, même en dehors des glaces. Et chez nous, en Belgique, où vous sentez-vous en vacances? Ah ben écoutez, je sais que normalement je devrais dire la mer du Nord, mais non. En fait c'est plutôt les Ardennes. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple Durbuy, on se sent en vacances parce qu'il y a pas mal de touristes qui sont là et on a l'impression d'être un peu à l'extérieur de la Belgique. Très bien, merci beaucoup Lodec d'avoir été des nôtres dans les People en vacances. On rappelle que bah, vous êtes le dessinateur de Cédric, le 30e tome est sorti il y a quelques mois déjà, il s'appelle Silence, oui. Je tourne. Quelle aventure hein, Cédric, 30 tomes, le premier est sorti en 1989. Exactement, mais le personnage était déjà né en 86, donc en fait on fête en même temps cette année les 30 ans de Cédric, même s'il ne les fait pas. Ah, il ne les fait vraiment pas dans la bande dessinée, effectivement. Il y a déjà 30 ans Cédric, ah, ben, dis donc. Oui, avec toutes les bêtises et son papy aussi qui est grandiose. Hein. Exactement. Non, oui. Son papy ressemble un peu à Raoul Covin quand même. Hein. Ben, un peu beaucoup. Hein, on dirait. Au fur et à mesure que, ouais. que la série avançait, il ressemblait de plus en plus à Raoul Covin, donc qui a scénarisé la série. Ouais, vous formez un chouette binôme, hein, une série à succès. Cédric, le dernier tome, ça s'appelle Silence, je tourne, encore disponible évidemment dans toutes les librairies. Et puis vous avez fait d'autres choses aussi, je pense que vous avez également fait des bandes dessinées de Colombophilie, c'est ça? Non? Non, ça c'est plutôt François Waltieri. Ah moi, oui, c'est Waltieri, je confonds. Une série. Moi, j'ai dessiné à un moment une série qui s'appelait Taxi Girl, mais par manque de temps, j'ai dû laisser tomber. Ok, vous êtes consacré à Cédric. Très bien. Bon, bel été, bonnes vacances alors dans le midi de la France et à très vite avec un prochain album, pourquoi pas? Oui, en fait, le prochain est prévu pour l'année prochaine, au mois d'avril. Le rendez-vous est pris déjà. Mouah. Et Émilie de Kegel est là. Dans un instant, on évoquera l'été du bon côté. Oui, avec grand plaisir. Vous connaissez Asaf Avidan? Tout à fait. Oui, et ben, donc pas besoin de vous le présenter en non. fait. On va juste appuyer sur play et l'écouter alors avec Allons-y. One Day. Il y aura Baby Jane dans les prochaines minutes de Rod Stewart. L'été du bon côté. Entre 13h et 15h sur Vivacité, bah oui, on fait des bisous. C'est... On a mis Tarkan tout à l'heure. Alors, avec voilà. Chimaric. Hey, bonjour, tu vas bien. Ça va, Émilie? Ça va bien, ça va bien. On, va, va, passer, bien ouais, on va passer l'après-midi dans le jardin aujourd'hui, puisque c'est la rentrée aussi des jardins. Vous êtes partis en vacances, en tout cas, on l'espère. Le temps a été un petit peu mitigé, il y a eu du soleil, oui. Il a fait chaud, il y a eu beaucoup de pluie, donc c'est un petit peu le carnage dans le jardin. Donc on va faire

monde tourne sans toi, c'était Anne Silla sur Viva. Dans un instant, Aurore Salsano sera là pour nous parler d'un accessoire incontournable de l'été. Comment bien choisir ses lunettes de soleil? Eh oui, on va en parler aujourd'hui et ça tombe plutôt bien parce que je suis persuadé que parmi vous, il y a des gens qui ont des lunettes de soleil mais qui aimeraient bien les changer parce que bon, bah, elles ne vous correspondent pas vraiment. Il y en a qui ont perdu leurs lunettes de soleil. Bref, les lunettes de soleil seront à l'honneur dans quelques secondes sur Viva. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. À découvrir chez Constant Warren, la toute nouvelle Abarth 595. La performance est à portée de main. Admirez ses nouvelles lignes musclées et son moteur gonflé. Constant Liège et Constant Warren, la passion du service. Le village de Charneux vous invite à sa garden party. Ce dimanche après-midi, profitez du plaisir de vous retrouver au milieu de plein d'animations. Danse du lion, trial biker, grande illusion, attraction gonflable et formation musicale. Simple spectateur ou participant actif, venez goûter à la sauce charneutoise. Programme complet de la fête sur jeunessecharneux.be. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et sur vivacité.be, vous retrouvez tous les bons conseils d'Aurore Salsano. Et on va parler aujourd'hui d'un accessoire incontournable de l'été, et pas seulement d'ailleurs, ce sont les lunettes de soleil. Mais Aurore, il ne faut pas les choisir n'importe comment. Trop de magazines de mode pourraient vous faire croire qu'il s'agit avant tout d'un accessoire de mode. Mais on l'oublie parfois, les lunettes de soleil sont d'abord là pour notre santé, pour protéger nos yeux. Comme pour les crèmes solaires, il existe un indice de protection contre les UV pour les verres solaires. Cet indice va de 0 à 4, 4 étant l'indice qui laisse passer le moindre rayon. Attention, la couleur du verre n'a rien à voir avec l'indice. Un verre quasiment noir n'est pas pour autant protecteur. Et de la même façon, des verres transparents peuvent être munis d'un filtre UV. D'où l'utilité de vérifier et de ne pas les acheter n'importe où. Un bon truc pour vous assurer que les lunettes correspondent bien à l'indice promis, c'est le sigle CE qui certifie que ce modèle répond aux normes européennes. En général, un indice 3 suffit, excepté pour la montagne ou l'exposition à la neige, on opte alors pour un indice 4. Mais attention, ces verres sont alors déconseillés pour la conduite. On sera particulièrement attentif au choix de l'indice pour les enfants. En dessous de 12 ans, leur cristallin ne filtre pas encore les rayons UV comme chez les adultes. Il faudra donc bien vérifier que les verres sont filtrants. Optez pour un indice 4, surtout pour les enfants en bas âge. Autre point à trancher, la couleur du verre. On l'a dit, cela n'a pas d'impact sur l'indice de protection, mais le confort de vue en dépend en fonction de votre défaut visuel. Si vous êtes hypermétrope par exemple, choisissez le gris. Il réduit l'intensité lumineuse mais ne dénature pas les couleurs. Les myopes opteront pour du brun qui réduit l'éblouissement et améliore les contrastes. Le vert respecte aussi les contrastes et sera particulièrement adapté aux porteurs de lentilles et aux hypermétropes. Enfin, pour le choix du modèle, c'est un peu en fonction de vos goûts, mais choisissez tout de même un modèle qui couvre bien votre œil, de préférence même jusqu'aux tempes. Ne pensez pas non plus que vos yeux ne sont sensibles au soleil que lorsqu'il est très présent. Un ciel couvert laisse aussi passer les rayons UV et peut endommager votre œil. Merci Aurore Salsano, on vous retrouve sur internet vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances. Voici Rod Stewart. vous un air de vacances. Ça continue bien sûr avec des cadeaux, direction Océade et Mini Europe, avec un film à reconnaître en une seule seconde. On en reparle juste après les informations. Il y aura aussi notre deuxième tube de l'été. Et là vraiment on va danser le mambo. Ce sera Mambo Number 5 de Lou Béga. Tout de suite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de configurer votre boîte mail? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 59 euros par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. C'est l'heure du sandwich, bon appétit, il est midi. L'actualité avec vous, Justine Hermans. Bonjour à tous. La grogne des étudiants en médecine. Ils réclament des réponses et des solutions à leurs problèmes. Ces étudiants voudraient savoir s'ils pourront disposer d'un numéro INAMI, sésame indispensable pour l'exercice de leur future profession. Rappelons qu'un arrêt du Conseil d'État a récemment recalé le concours mis sur pied pour les étudiants en fin de première année. Ce matin, dans une lettre ouverte, les étudiants se sont adressés à la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Bloch, et à Jean-Claude Marcourt, ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les deux ministres se rencontreront cet après-midi pour tenter de trouver une issue à cette longue saga. Et pour Jean-Claude Marcourt, la solution ne peut venir que du fédéral. C'est uniquement le gouvernement fédéral qui a les cartes en main, puisqu'il est le seul à détenir les compétences pour résoudre le problème. Maggie De Bloch doit lâcher du lest par rapport au numéro INAMI. Aujourd'hui, le Conseil d'État remet en cause le système de quotas de numéro INAMI. Il faut donc voir comment le fédéral va gérer cela. Il va falloir adapter aussi le concours qui a été mis en place, puisque là aussi, l'arrêt porte sur le concours de médecine. Le Conseil d'État ne remet pas en cause le concours. Il dit simplement que le nombre d'étudiants qui peuvent passer en deuxième bac n'est pas suffisamment motivé. Parce que l'arrêté du gouvernement de la communauté française se fonde sur les quotas INAMI fixés par le fédéral. Et c'est à ce niveau-là que le Conseil d'État dit qu'il y a une insuffisance de motivation, de justification de ce nombre. Et donc, on ne remet pas en cause le concours, on remet en cause le nombre d'étudiants qui peuvent passer en deuxième bac. La seule hypothèse de travail possible, c'est que le fédéral prenne des initiatives. À défaut, effectivement, il faudra appliquer l'arrêt du Conseil d'État dans son intégralité. Jean-Claude Marcourt, interviewé par Laurent Henrard. Dans l'actualité internationale, en Turquie, un attentat à la voiture piégée a fait ce matin au moins 3 morts et 120 blessés. L'attaque visait un commissariat à l'est du pays. Aux Jeux Olympiques, si vous devez suivre un match aujourd'hui, c'est sans doute celui des Red Lions en hockey. Ils jouent la finale ce soir à 22h face à l'Argentine, une équipe a priori à leur portée. Mais ça ne sera pas facile malgré tout, le médian Simon Gougnard parle d'un combat. On est conscient que ça ne va pas être un match de hockey facile. Je ne pense pas qu'on va voir du beau hockey pendant cette finale. Je pense qu'ils vont vraiment laisser aucun espace, donc il faudra être très intelligent. Et je pense que le staff nous l'a dit, ça va être un combat de rue en fait. Il va falloir arriver, il va falloir être prêt à tout faire dans ce match, vraiment aller chercher la victoire. Je pense qu'ils ne vont rien nous lâcher, on ne va rien leur lâcher non plus. Mais ça va être vraiment, je pense, l'équipe la plus intelligente qui va gagner. Simon Gougnard au micro de Lise Burion. Et si vous voulez suivre les Belges au JO déjà cet après-midi, ça sera par exemple en athlétisme en décathlon avec notre champion d'Europe Thomas van der Platsen, 11e hier soir à mi-parcours. Il y aura également du taekwondo. Jawad Achab est une chance de médaille belge car il est champion du monde et double champion d'Europe dans sa catégorie chez les moins de 68 kilos. À suivre également chez les dames, Raele Assemani chez les moins de 57 kilos. Et ce soir, il y a aussi du football, pour ceux que ça intéresse, à 19h, Slavia Prague, Anderlecht, match aller des barrages pour les poules de l'Europa League. Anderlecht joue toute sa saison européenne sur deux manches. Un point sur vos conditions de circulation avec Caroline Gillet. Comment ça se passe sur les routes, Caroline? Eh bien, ça ralentit vers la France sur le 17 envers Lille. On a des files depuis Albeck, soit sur 5 km et vous perdez une vingtaine de minutes. Accident sur la Nationale 66, on en reparle dans les deux sens. Un accident à hauteur d'Ouffet, chaussée fermée, une déviation mise en place. Des travaux empêchent les poids lourds de plus de 3,5 tonnes d'accéder au centre-ville de Martelange. C'est le cas aussi dans le centre de Neufchâteau, donc interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans les centres-villes de Neufchâteau et de Martelange. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et l'air de vacances continue de souffler sur Vivacité avec vous, Stéphane Piedbeuf. Mais oui, c'est vrai, mais le vent il soufflera surtout ce week-end. Tiens, il y a quoi au menu pour vous ce midi? À manger? Oui. peut-être bien un bagel, figurez-vous. Un bagel, ouais. C'est bon ça? Et avec quoi dedans? Oh, ben, je sais pas encore, je vais aller l'acheter, ils en ont plein là où je vais. Donc, ah ouais? Ah, c'est chouette ça, un bagel, c'est vrai que c'est bon ça. Hein, bon, anglo-saxon. C'est la pizza, non? Une pizza, un burger, un bagel. Mais non, c'est pas un chien. Sylvain nous dit que c'est un chien. Mais non, il y a les beagles et oui, les bagels. Il y a le beagle et le bagel. Hein. Le jour où tu manges un chien, tu vas finir en Chine. Allez, à tout à l'heure, 13h. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. Is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am. avec nous sur Vivacité, c'était Avner Castle in the Snow. Et tout de suite cadeau avec Océade, c'est à deux pas de l'Atomium à Bruxelles, c'est magnifique Océade, en plus c'était complètement rénové, les vestiaires sont extraordinaires et on a même l'impression d'être dans un temple un peu inca comme ça, avec une ambiance assez zen parce qu'il y a un sauna zen et puis tous les toboggans bien sûr, pour les petits, pour les grands, il y en a pour tout le monde. On vous y invite, un pass familial, deux adultes, deux enfants et en plus de ça, on vous offre le pass familial pour Mini Europe. Donc vous allez pouvoir profiter des deux parcs, soit le même jour, soit des jours différents. Il n'y a pas de problème, vous ferez absolument ce que vous voulez. Et pour gagner, c'est un jeu qui n'est pas évident. Il faut en une seconde identifier un film. On était chercher une seconde de la bande originale d'un film. Un film qui est très connu, mais en une seconde, il faut l'identifier. Et si vous avez la bonne réponse, eh bien vous nous l'envoyez par SMS au 6003. Donc c'est le 6003. Pour 75 centimes d'euros, l'envoi de message, vous nous envoyez le titre de ce film. Tendez l'oreille. Ah oui, c'est une seconde, ça passe très vite. Une seconde, avez-vous trouvé quel est le titre du film recherché ce jeudi midi? Si oui, eh bien envoyez la bonne réponse, histoire de gagner Océade et Mini Europe. Écoutons une deuxième fois, une dernière fois l'extrait. Et on vous souhaite bonne chance. 6003, c'est par SMS. Et là maintenant, on danse le mambo s'il vous plaît. Mais le numéro 5, hein, pas le numéro 4 ni le numéro 7, c'est le numéro 5, le number 5. Célèbre titre composé en 1949 par le cubain Pérez Prado, surnommé le roi du mambo, paru initialement en 78 tours. Le morceau a été repris en 99 par l'allemand Lou Bega qui le remet au goût du jour, lui adjoint des paroles et en fait un succès qui fera danser toute la planète pendant l'été 1999. Et il n'y a pas de raison de ne pas danser aujourd'hui. Voici Lou Bega, c'est le mambo number 5 sur Vivacité. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. I do all to Mambo Number 5 avec Lou Béga. Et il faut quand même que je vous raconte l'énorme vanne que Sylvain, qui réalise un air de vacances, m'a raconté. Et puis c'est le tube de l'été, mais ça pourrait être aussi le tube de Noël, hein. J'ai dit ah bon bah oui, Mambo Sapin Roi des Forêts. Mambo Sapin Roi des Forêts. Le Mambo Sapin Roi des Forêts, celui-là, c'est c'est vraiment le truc le plus pourri que j'ai jamais entendu. Honnêtement, Sylvain, c'est juste nul. Allez, on se retrouve avec Denis Collard. Et ça, c'est pas nul parce que ça vous concerne, c'est la météo de vos vacances. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Tu le vends sous Elements? Moi j'ai aucune confiance dans ces saucisses. Ah bon? Elles ont quand même l'air bonnes. Ouais non, elles cachent quelque chose mais je... Enfin... Écoute, pour les faire parler, je vais les mettre sur le grill. Ah oui, j'ouvre déjà la sauce samouraï. Oui. La samouraï qui fait parler d'elle. La voilà. De vos Elements. Tu as envie d'apprendre un métier à l'école et de te sentir exister? Tes parents veulent que tu sois bien formé et encadré? C'est Don Bosco Liège qu'il te faut. Une école reconnue auprès des entreprises. Formation technique, professionnelle et aussi un CFA pour apprendre en alternance. 04 229 78 70 ou idbl.be. Don Bosco Liège, une école où j'existe. My Love Vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vendre ce que vous n'utilisez plus sur un site de petites annonces? Qui vous dit que vous serez payé? En vendant dans un magasin Cash Converters, vous êtes certain d'être payé. Cash et tout de suite. Qui dit mieux? Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Cashconverters.be. Fred, qu'est-ce que tu fais avec le cartable du petit sur le dos? T'inquiète, je vais faire le plein chez Red Market. Il y a tout ce qu'il faut pour une rentrée réussie. Cette semaine, c'est 2 plus 1 gratuit sur plein de petits jus et biscuits. Hé, hey, remplis les cartables à fond, hein. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Depuis le bar de la plage, Denis Collard est de retour pour la météo de vos vacances. Nous avons reçu du courrier Denis. Alors, aucune carte postale pour l'instant, mais des demandes par mail via notre site vivacité.be, rubrique Contactez-nous sur la page Un air de vacances. Je vous lis un mail reçu hier à 11h45. Bonjour, je vais en vacances à Champagnole, dans le Jura, du 19 au 29 août. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me communiquer la météo? Grand merci et belle journée à tous. C'est signé Catherine. Bien, bon choix, Champagnole. Nous voilà dans le Jura. Alors, Champagnole sur le premier des plateaux du Jura, donc on est déjà un tout petit peu en altitude, altitude moyenne, c'est vrai. Champagnole, qui autrefois était connue pour avoir été une des villes qui se trouvait sur la fameuse ligne de démarcation entre 1940 et 1942, mais pas trop de soucis pour nos auditeurs à Champagnole, puisque ce vendredi on attend 27 degrés, il y aura bien quelques passages nuageux avec un risque d'une averse orageuse, mais ça devrait être quand même une météo agréable. 24 degrés pour samedi et dimanche, des températures de saison, et puis petit coup de chaud à prévoir lundi et mardi, petite crème solaire, car même sur le premier plateau du Jura, on attend 30 degrés lundi et sans doute 35 degrés mardi. Et puis le Jura, c'est le comté, hein, c'est le comté, et puis avec le vin blanc aussi du Jura. Bon, autre mail, autre destination, Fanny nous a envoyé ceci hier. Pourriez-vous nous donner des indications sur le temps qu'il fera à Gérardmer du 22 au 25 août? Merci beaucoup et bonne émission. Gérardmer, ça existe? Denis, je ne sais pas où ça se trouve. Ceci dit, que pensez-vous d'une station balnéaire qui s'appellerait Denis Mer ou Stéphane Mer? Ce serait la grande classe, n'est-ce pas?

mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent amoureux. C'est un peu le copier-coller de Paris Seychelles quand même, hein, ce nouveau Julien Doré qui s'appelle Le Lac, mais ça nous fait plaisir d'écouter évidemment sur Vivacité. Dans quelques instants, eh bien, ce sera Nicolas Testa, votre invité dans les People en vacances, mais avant cela, nous allons vous envoyer à Mini-Europe et à Océade. On pose votre numéro de téléphone, vous qui avez une fois de plus été très nombreux à participer à notre jeu. On va chercher un film avec une seule seconde. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bonnes réponses aujourd'hui, c'est tant mieux. On appelle comme ça, hein, au hasard. Faut que ça décroche. Sinon, on laisse un message et on appelle quelqu'un d'autre. Oui, allô ? Allô ? Oui ? C'est moi ? Oui, c'est qui ? Bah, c'est moi. Ah, je sais pas. Bah, allez, c'est moi, quoi. Non, je ne vois pas. J'ai pas le numéro. Ah, bah, tu me reconnais pas? Non. Bah, désolé. Vraiment pas? Non, non. Non? Bon, mais t'écoutes pas la radio? Ah non, pas pour l'instant. Ah, bon. Bon, excusez-moi, je vous ai tutoyé. Mais vous êtes sur Vivacité en direct. Voilà, voilà. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Patrick. Ça va, Patrick ? Très bien, très bien, merci. Bah alors, comme ça, vous n'écoutiez plus la radio ? Ah non, j'étais dans ma voiture tout à l'heure et là, je n'y suis plus, donc... Bon, vous êtes en congé, en vacances, au boulot ? Non, au boulot, au boulot. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis commercial. Commercial, que vendez-vous ? Voilà, je vends de l'outillage. L'outillage, et ça marche ? Voilà, ça marche, c'est oui. Vrai ouais. Beaucoup de travail. Eh oui, beaucoup de travail, la prospection, la voilà. Conviction, ouais, les objectifs. Exactement. Bon, bon, bon. Et eh oui. Ben, bon courage en tout cas, et c'est sympa d'écouter Vivacité sur la route du travail, puisque ça vous porte chance. Avez-vous trouvé de quel film s'agit-il quand on vous passe cette seconde-là ? Oui, oui, c'était Pretty Woman. Eh ben, c'est toujours Pretty Woman, je vous le confirme. Voilà. Bien joué. Avec Richard Gere et Julia Roberts. Un film voilà. Culte, bien sûr, qui, à chaque fois, fait le plein d'audience quand il passe à la télévision. Et ça nous fait bien plaisir de l'évoquer aujourd'hui. Ça vous permet d'aller à Océade et Mini-Europe en famille. Super. Vous avez merci des enfants beaucoup. Oui, oui, deux enfants. Bah, c'est parfait, justement, c'est un pass familial. Donc deux adultes, deux enfants, vous allez bien vous amuser. Mini-Europe, ah bah Océade, voilà. On vous envoie tout ça et on vous souhaite plein de courage pour ce boulot. D'accord ? Parfait. À bientôt, merci, merci. Au revoir. Oui. Au revoir. Then the rainstorm came over me. If you see a mistake, but time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. I have

Mama Isigo, c'était Alice on the Roof. Et c'est de la musique belge. On va rester dans l'univers belge avec Nicolas Testa sur Vivacité. Dans les people en vacances, bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Mais très très bien. Vous êtes enfin un peu en congé, en vacances, parce que c'est vrai que c'est oui, un peu la période de festival. Ouais. Oui, un petit peu. Donc il y a toujours des choses à faire. Et puis je suis en train d'écrire, donc j'ai pas mal de travail en ce moment. D'accord. Bah, on vous a quand même vu au Francofolie notamment. Oui, oh, tout à fait. Vous étiez à Spa. J'étais à Spa. Et sinon, vous avez fait d'autres trucs sous pendant la pluie. Cet été? Oui. Je suis parti un petit peu en vacances quand même. Aussi. Ouais. Vous êtes parti où? Comme tout le monde. Je suis parti dans le sud de la France. Et alors, c'était bien? Il faisait beau? C'était bien, oui. Il faisait très très beau. C'est où ça dans le sud? Dans quelle région? Dans la région d'Avignon. Avignon. Ah, il y avait le festival d'ailleurs. Oui, il y avait le festival, ouais. Tout à fait. Voilà. Théâtre. Je suis allé voir quelques spectacles. Oui, c'est chouette. Hein. C'est une bonne ambiance en plus notamment là-bas. Dans les spectacles belges, c'était très très bien. Oui, il y avait Alex Visorek qui était. Il y en avait plein. Hein. Oui. Et donc, quel a été votre meilleur souvenir de vacances? Bon, bah, ces vacances-ci ou d'autres vacances. Hein. Ah, mon meilleur souvenir de vacances. Il y a tellement de souvenirs de vacances. En fait, ce que j'aime particulièrement, c'est être entouré avec mes amis. Oui. Donc, c'est toujours une garantie de passer des bonnes vacances et des bons moments. Bon, vous êtes plutôt camping ou hôtel? Oh, je suis plutôt hôtel. Piscine, mer ou montagne? Je suis plutôt piscine. Tiens, quelle est la chanson, puisque vous êtes dans la musique, qui représente le mieux l'été pour vous? Autrement dit, votre tube de l'été préféré? Ah, est-ce que tu viens pour les vacances? Non, je sais pas. Bah, ça peut être ça. Pourquoi pas? C'est David et Jonathan, ça. Mais c'est toujours un peu les trucs du tube de l'été, non? Ouais, mais il y a plus trop les tubes de l'été. Moi, j'aimais bien qu'on... Voilà, mais ça c'est parfait. Mais voilà, ben on va laisser David et Jonathan pendant l'interview. Il y a pas de problème. En plus, on l'a diffusé dans nos tubes de l'été. Les clips sont sur vivacité.be. Moi, ça me dérange absolument pas. La météo idéale de vos vacances? Beau, mais pas trop chaud. Votre cocktail, apéro, boisson préféré? Mon cocktail a le Moscow Mule. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime beaucoup aussi la Kaipiroshka. Attendez, parce que là, il faut quand même expliquer ce que c'est le Moscow Mule et la Kaipiroshka. Le Moscow Mule, c'est de la vodka avec de la ginger beer, c'est-à-dire que c'est au gingembre. Ah oui. C'est super bien avec la musique derrière, c'est parfait. C'est top, hein. Mais j'aime particulièrement ce moment-là. Et donc c'est un cocktail à base de vodka et de gingembre, ouais. Très très bon. Et la Kaipiroshka, en fait, c'est une caipirinha, mais vous remplacez la cachaça par de la vodka. Voilà. D'accord, vous êtes très vodka, très vodka vous, tout hein. Ça, hein. Ouais. Très vodka. Ouais. Bon bah écoutez, c'est bien, mais en même temps, on vient d'apprendre deux trucs là, en un coup. Hein, je sais pas. Ouais, c'est bien qui réalise l'émission. Voilà. Je suis content de. Peut-être qu'on est deux gros losers en fait, que c'est hyper connu, mais nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Pas si connu que ça, et c'est pas très très connu ces cocktails-là, mais ils sont d'accord. Très très bons. Il faut aimer ce qui est un petit peu acide, mais. Alors, quel est votre plat? Un peu. Votre plat préféré de l'été? J'aime bien les scampi, comme on dit en Belgique. À l'ail. Pas spécialement, non, grillé. J'aime bien les fruits de mer, moi, l'été. Ok. Et le poisson aussi, j'aime bien le loup de mer, c'est très très bon. La glace, c'est plutôt fraise, vanille, chocolat, un autre parfum? Fraise pistache. Ah ouais, vous prenez deux boules. Ah, ils sont gourmands, hein, les people, cet été. J'aime bien la vanille aussi. J'aime allez, pas le trois boules, allez, on y va. Ça tient sur le cornet, ça, trois boules? Oui, on va un peu pousser. Hein. Bon. Je préfère les petits pots. J'aime pas trop les cornets. Et en plus, il est difficile. Vous voulez pas un peu de chantilly aussi dessus quand vous y êtes? Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances? Dans quel endroit vous sentez-vous chez vous, en vacances chez nous en Belgique? Y a la mer quand même. J'aime bien aller au coq. Oui. J'aime bien, ouais, le coq, j'aime bien. Il y a un côté un petit peu. Voilà, il y a un côté un petit peu Euro Disney comme ça qui me plaît quand je vais là-bas. Et ben c'est parfait. Hein. Je pense qu'on a tout dit là. Hein. Vous avez tout dit là? Ouais, j'ai plus d'autres questions. Bah, sinon, bon, vous écrivez quels sont les projets? Quand est-ce qu'on va vous voir sur scène? Quand est-ce qu'on peut prendre vos nouvelles? Il y a des concerts là, la semaine prochaine. Je ne sais. Attendez, alors il y a encore un concert là la semaine prochaine et puis après on ira. Je crois que c'est. Attendez que je ne dise pas de bêtises. On va à l'Open, non, à Août en Éclat, à Soigny, le 27 août. Le 27 et puis à Soigny, le 10 ouais. septembre à Auton, à l'Open Stream Fest Festival. Puis je pars en Corse pour le Flyaway Festival, qui est un festival qui se déroule pendant 5 jours en Corse. Et puis on aura une petite pause. Avant la baie. Ensuite, il y aura. Non, la baie, on l'a déjà fait. Oui. C'était, la en, mars, c'était ouais. en mars. Et par contre, je pense qu'il y aura une date, si je ne me trompe pas, fin janvier, à la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve, et puis d'autres projets qui seront annoncés prochainement. Ok, super. Bon, on vous trouve sur Facebook. Oui, vous me trouvez sur Facebook. Nicolas vous Testa. Partout, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur. Ou NicolasTesta.net. Voilà. Et c'est un peu. Il ouais. y a pas assez de musique. On remettrait pas un peu David et Jonathan Ah ouais, voilà. Donc Facebook, Twitter. J'ai à préciser à vos auditeurs qui m'écoutent en ce moment et qui ne me connaissent pas que je ne fais pas la même musique que David et Jonathan. Non, on va mettre un petit bout de Nicolas Testa, mais. J'ai été très, très instinctif, très direct quand vous m'avez demandé ça. Parce mais que vous avez eu raison. En même temps, il n'y a pas de honte à aimer David et Jonathan. Moi, je dis, c'est très bien. Mais je n'aime pas vraiment. Ah, vous n'aimez pas, mais alors il fallait choisir un autre tube de l'été. Si j'aime, mais vous voyez, il y a vous auriez pu dire, vous auriez pu dire, mon tube de l'été préféré, c'est Nicolas Testa avec Lost and Found, par exemple. Voilà, voilà, c'est ça mon tube préféré. Voilà. Voilà, hein. C'est vous voilà. qui avez dit David et Jonathan, hein. Ouais, vous m'avez troublé, je crois. Bon, Nicolas, bon concert alors à Soigny, et on vous suit hein, sur les réseaux sociaux, et merci d'avoir répondu aux questions des people en merci vacances. Vous l'avez remarqué, c'est l'été, c'est léger sur Vivacité, et c'est jusqu'à 13h. Un air de vacances. à mort, c'était Souf. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et ce samedi, le beau vélo de Ravel installera ses infrastructures à Arlon, ville qui se situe à la croisée de plusieurs lignes vicinales, précurseur des Ravel. On en parle tout de suite avec Adrien Jovenot et son invité. Bien le bonjour, mon cher Adrien. Eh bien bonjour mon cher Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Jacques Botte, vous êtes le président des Chemins du Rail à Arlon, où nous serons après-demain. On est un peu en pré-Ravel là-bas. Hein. Oui, effectivement, nous sommes à Arlon. Alors là, ici, on parle de lignes vicinales. Arlon est à la croisée de plusieurs lignes vicinales. Si on parle des numéros, on parle de 517, de 615. Mais plus concrètement, ben, c'est Arlon vers Martelange et de l'autre côté, Arlon vers Saint-Léger. Alors, quand on parle de pré-Ravel, c'est pas un pré sur lequel on a mis des Ravel, non? Pas encore, non. Pré-Ravel, c'est simplement le fait qu'on laisse le passage, on permet le passage à certaines catégories d'usagers. Je pense aux cyclistes et aux piétons, mais malheureusement, peut-être pas aux personnes à mobilité réduite. L'important à Chemin du Rail, c'est qu'on conserve ces lignes, qu'on les transforme tout d'abord en pré-Ravel, en espérant que plus tard, elles soient transformées en Ravel. Donc c'est un futur Ravel. Alors, un Ravel, on va rappeler ce que c'est. Un Ravel, c'est une voie réservée à une série de catégorie d'usagers. Il y a certains critères, notamment 2,50 m, 3 m de large et des traversées qui sont sécurisées. Et un revêtement Induré, ça n'a rien à voir avec Indurain, hein. C'est Induré, c'est la matière. C'est la matière, faire en sorte que justement ce Ravel soit accessible à tous les usagers, et on pense aussi aux Chésards. Chésards, c'est personnes à mobilité réduite, mais aussi des personnes qui circulent en poussette. D'accord, alors pour vous, à Chemin du Rail, j'imagine que pré-Ravel ou Ravel, peu importe, l'essentiel c'est d'avancer. Hein. Mais l'important c'est de conserver la ligne, donc faire en sorte que ça devienne un pré-Ravel en espérant que plus tard ça devienne un Ravel. Très bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et encore pour les 20 ans à venir, certainement. Le 20 août, nous serons donc à Arlon. Rendez-vous sur le Parade Ground pour le départ de cette balade d'une vingtaine de kilomètres qui nous permettra également d'aller au Grand-Duché de Luxembourg. Je vous en reparle demain matin. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Tout l'été, pendant les 13 semaines du beau vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez Vivre ici pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Cool, c'est les vacances. C'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Seat. Pensez Seat CHU. Garage Seat CHU à Chennai et à Herstal au rond-point Cormeuse. Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. Seat CHU, le service en plus. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. Topits, astuce congélation du jour. Nous sommes les 5 congélations Topits, de vrai dur à cuire. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topits, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Topits. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances. Et le tip top, bien sûr, sur Vivacité tout à l'heure entre 19 et 20 h ça c'est la quotidienne. Et puis le nouveau classement, ce sera samedi à partir de 10h30 jusqu'à 13h. Et pendant l'été, on fait le tip top de tous les pays du monde et parfois les pays les moins probables, les plus improbables même. Émilie de Kegel est là. Et là, hier, on vous a lancé un défi. On vous a demandé de trouver le tip top ouzbek, donc direction l'Ouzbékistan. Oui, et on chante pas mal en Ouzbékistan. Ah bon, ouais. Et les chanteuses ont la belle part du gâteau, la preuve. Ah ouais, c'est la danse du ventre, ça, non? Ouais. Influence un peu quand même, comme ils le disent, hip-hop, que, j'ai envie de rajouter, et puis avec des connotations évidemment orientales, ouais. Indiennes également. Alors dans le numéro 2, on a, voilà, dans le numéro 2, sur la deuxième marche du podium, on a ça. Là j'ai vraiment envie d'un couscous, hein. C'est, hein. Un couscous? Ouais, un couscous. Ah, un couscous royal. Ah, voilà. Quand j'entends ça, j'ai envie d'un couscous. Ça fait penser au dîner des mille et une nuits, quand vous allez à Marrakech par exemple, il y a des trucs comme ça, ah, où ouais. On vous sert à manger tout le temps avec la danseuse du ventre qui arrive, etc. Mais bon, on est en Ouzbékistan, hein, oui. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu un amalgame que vous faites, mais c'est très bien, c'est très bien. Je ne suis pas sûre qu'on mange le couscous là-bas, plutôt ou alors du couscous végétarien, oui. Probablement. Et alors numéro 1, c'est ça, moi j'aime bien. C'est génial ça. Chiki-chak, non c'est... Ça très sympathique. Très été, très dansant, très danse de l'été, effectivement. Ouais. Ça vous donne peut-être envie de faire une chenille, je ne sais pas, après le couscous. Ah non, trop mangé. On ne bouge plus. Je suis repu. Donc voilà les titres sur lesquels vous allez pouvoir éventuellement danser si vous allez en vacances ou si vous êtes de passage en Ouzbékistan. Pourquoi pas. On peut le laisser un peu là, c'est bien. Et ça s'appelle comment ça? Oh, vous m'en demandez trop là. Ah ouais, bah attendez. Vous demandez, est-ce qu'au niveau de l'accent. Alors c'est Chazdoza. Ouais. Chazdoza. Chazdoza, c'est génial. Limite un petit peu coquine, hein, la Chazdoza. Hein bah c'est sympa. C'est ensoleillé, hein. Ensorcelé, ouais. Ouais, attends, on attend encore une fois le refrain, puis on arrête, ça va. Allez, encore une fois le refrain. Hein. J'avais dit un jour qu'on allait danser sur un titre ouzbek, on l'aurait jamais cru. Eh ben pourtant, bah si. Tout est possible. Bon, Émilie, oui. Demain. C'est la dernière. C'est la dernière et c'est une émission qui sera particulière pour vous demain. Oui. Puisque ce sera votre dernière émission, oui. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Voilà, puisque vous allez rejoindre votre amoureux. Oui. Au Pays Basque. Voilà, je vais transhumancer demain. Voilà, voilà. Elle a vendu tous ses meubles sur Facebook, j'ai pas très bien compris. Je me dis, elle a vraiment pas les moyens, il faut vraiment l'aider. Et puis en fait, non, pas du tout. C'est parce qu'elle part au Pays Basque. Voilà. Et donc demain, bah, votre défi, ce sera le top 3 du Pays Basque. Hein. Oh, facile. Voilà, voilà. Facile. Alors je vais vous trouver un groupe un peu rock homme, ça va vous faire plaisir. Je vais vous trouver une femme. Oui. Et alors, je pense qu'il va falloir se glisser dans le coin de l'oreille aussi à un moment donné des chants basques. Ah bah oui, on veut ça, évidemment. On veut du typique demain. Aurez un peu de tout. Eh ben, un peu de tout demain, c'est super. En tout cas, vous êtes sur Vivacité en direct dans un instant pour l'été du bon côté. Et puis juste après vous, ce sera Marc Vernon avec sa joyeuse bande de chroniqueurs jusqu'à 17h, Vivre Ici. Et puis après Vivre Ici, à 17h, ce sera le 5 à 7 avec Cyril. Mm-hmm. Puis le Tip Top, la quotidienne, à 19h. Ouais. Puis à 20h, ce sera Viva Musique. Ouais, mais attention, avec Jocelyne. Ouais, à 22h, c'est David Oudré qui s'installera. Moi, je serai devant ma télé. Ah, mais non, j'en ai plus, j'ai tout vendu. Pour nous faire vivre le match de hockey. Heureusement, hein, il reste la radio. Les Red Lions. Exactement. Face, à l'Argentine. À l'Argentine. Une médaille. Alors, est-ce qu'elle sera d'argent ou d'or? Moi, j'ai envie de laisser l'argent à l'Argentine. Oui, ce serait logique. Mais ouais. Ce sera de l'or. Ce sera de l'or. Elle est sympa, cette chanson ouzbek, hein. C'est l'avant-dernière émission en même temps. Si on se fait virer, bon, hein. Il n'y en a plus qu'une. Bon, on va quand même écouter Ellie Goulding avec Burn avant la météo. Et de Nicolas, bon, c'est l'été sur Viva. Merci de nous écouter en tout cas, vous êtes tous les jours très nombreux et de plus en plus visiblement, et ça nous fait bien plaisir. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. It's like the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. Wanna be right. they gon' put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they gon' put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they gon' put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they gon' put it out, out, out. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire. And we're gonna let it burn. Sur Vivacité dans quelques minutes, l'été du bon côté avec Émilie, et ce sera juste après le journal de 13h qui arrive dans quelques secondes, et immédiatement nous allons prendre le parasol ou le parapluie, en tout cas c'est sûr, on écoute de Nicolas, voici la météo. Vabona, votre arme contre les insectes. Bonne journée à tous. Des nuages arrivent par l'ouest et vont continuer à menacer dans le courant de la journée. Des averses arrivent par la frontière française et vont se propager. Elles sont un petit peu plus conséquentes sur le sud de nos régions, avec possibilité même d'un coup de tonnerre. La masse d'air reste douce, 22 à 25 degrés pour aujourd'hui. On s'attend à ce que demain on retrouve un peu le même type de temps, accalmie le matin, puis risque d'averse à nouveau un petit peu plus grand l'après-midi. Les températures ne bougent pas. Par contre, pour le week-end, ce sera un temps venteux et plus frais, ponctué également d'averses, même si elles ne sont pas trop nombreuses. On attend de 18 à 21 degrés pour samedi, 16 à 20 pour dimanche. En télé sur la Une, Gisèle Bündchen, la top modèle à 350 millions d'euros. Une icône pour les jeunes brésiliennes candidates au titre de Miss. Monaco, découvrez en exclusivité le quotidien stressant des riches de la planète. Les carnets du Bourlingueur, ce samedi sur la Une. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité, il est 13h. Paye tes dettes d'abord et on te soigne après. Un hôpital de Charleroi refuse d'opérer un patient tant qu'il n'a pas réglé sa facture de 900 euros. Quelles sont les causes de l'incendie de cette nuit à Glin qui a coûté la vie à deux fillettes? Des experts sont sur place. Si les détecteurs incendie avaient été opérationnels, on aurait peut-être pu éviter ce drame, nous expliquera un pompier montois. Aux Jeux Olympiques, l'or ou l'argent, les hockeyeurs belges seront fixés ce soir après leur finale face à l'Argentine. Coup d'envoi de la rencontre à 22h. En football, Anderlecht affronte le Slavia Prague à 19h. Match de barrage aller pour accéder aux phases de poule de l'Europa League. Le journal de 13h avec vous, Simon Gérard. Bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Vous n'avez pas payé votre facture, et bien vous ne serez donc pas...